Bonsoir, vous êtes bien dans la machine à son, une nouvelle fois. Le professeur et moi-même sommes là en chair et en os. Bon, le professeur, beaucoup en os, hein. Je vais un peu vous raconter pourquoi. Voilà, grand plaisir quand même de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, mais bon, voilà, il y a eu tout un tas de, d'événements, de choses qui ont fait que, la machine à son, vous avez droit à quelques rediffusions pour ceux qui sont... des auditeurs et auditrices fidèles. Et puis pour les autres, eh bien, si vous découvrez la machine à son, ben vous n'êtes pas au bout de, pas de votre peine quand même, n'exagérons pas, mais pas au bout du truc, quoi. Voilà, il va falloir un peu décrypter. Et oui, la machine à son, c'est une émission cryptique. Pas par snobisme, hein, juste par facilité. Donc voilà. Alors ce soir, j'en ai une bonne à vous raconter quand même, parce que j'avais pas de nouvelles du professeur depuis un petit moment. Donc du coup, je me suis un peu inquiété, j'ai pris les nouvelles, tout ça, et il m'a expliqué qu'il partait, qu'il avait une illumination, et qu'en fait, une nuit, alors voilà, devinez ce qu'il a pu faire, on ne sait pas, en fait, c'est impossible à deviner, parce qu'on pourrait croire des choses, mais ce n'est pas forcément ça. Donc bref, il a eu son illumination, et il s'est rendu compte qu'il était le pape, en fait, et oui. Et donc du coup c'est quand même pas simple, se réveiller le matin en se disant ben en fait je suis le pape. Donc du coup il s'est habillé en pape, enfin son style, avec un, je sais pas, une espèce de truc en plastique bleu autour de lui. Il a pris un balai parce que le pape a un sceptre apparemment, enfin bon bref, moi je suis pas très spécialiste de ces choses là bref, il s'est habillé en pape, et puis voilà, alors c'est ce qu'il m'a dit il y a quelques semaines au téléphone. Il dit, et là je pars, je vais à Rome, me présenter pour être pape. Bon bref, j'ai laissé partir, de toute façon je pouvais pas le retenir au téléphone, c'est un peu complexe, donc voilà. Bon, et là il est revenu il y a peu, alors ça a été toute une péripétie hein, pour qu'il revienne, je ne raconterai pas tout sinon on va faire toute l'émission. Donc bref, le pape vous voyez, ça continue. Donc le professeur revient tout à l'heure essoufflé, il finit à pied, je sais pas quoi, enfin tout un tas de trucs tout chelou, quelqu'un qui avait coincé un caddie dans le tramway, donc il pouvait pas, enfin bref, il voulait pas qu'on touche à son caddie, enfin bon, voilà, vraiment des histoires assez étranges. Et je lui ai dit, mais alors d'où tu viens, quoi? Il avait l'air quand même épuisé, bon, toujours quand même un peu des disques sous le bras, donc ça va, j'étais à peu près rassuré. Et il me dit, je suis parti... j'ai voulu faire du stop pour partir à Rome, au Vatican, pour me présenter, leur expliquer que c'était moi le pape. Et puis, il y a un camion qui s'est arrêté, il est monté dans le camion. Et puis là, un Italien très sympathique qui a discuté avec lui. Voilà. Donc lui, bon, il maîtrise peu l'italien, mais il arrivait quand même à faire comprendre des choses, qu'il était le pape, tout ça. Bon, le type avait l'air étonné, mais en même temps, ça, ambiance plutôt déridée, quoi. Tu m'étonnes. Et puis voilà, puis bon, sur ce fait, il s'est endormi. Il s'est réveillé le matin, au petit matin, là, blafard. Ça ressemblait pas trop à Rome, quoi. C'est une espèce de un peu un quartier zone industrielle commerciale, un truc bizarre. Puis donc il explique à l'autre si c'est ça le Vatican. Il lui dit si Vatican. Et donc il est descendu, puis il a commencé à chercher, etc. Et puis effectivement il y a une petite entreprise de chiottes qui s'appelle Vatican, sauf que voilà, c'était pas tout à fait ce qu'il attendait. Donc du coup, surpris, il a commencé à discuter avec des gens dans la rue, etc. Bon, les gens ont vu sa façon de s'habiller, puis son peu de maîtrise de l'italien, c'était un peu compliqué. Et sur ces entrefaites passe un personnage à l'air sympathique, avec un chien un peu maigre, style lévrier, un peu âgé, et qui s'approche de lui en souriant par rapport à son accoutrement. Donc puis le professeur commence à lui expliquer que il sait pas où il est, que là il était censé aller au Vatican parce qu'il est le pape, et puis finalement il sait pas où il est, que voilà. Ah, donc l'autre est étonné, puis il lui dit, mais vous êtes en Espagne. Et parce que il maîtrise un peu le français, heureusement pour lui. Ah, donc là le professeur inquiet, il s'est dit, mais en Espagne, mais non, je devais aller à Rome et tout. Et puis donc là il se rend compte qu'en fait il a fait une douloureuse méprise, il est monté dans un camion espagnol ou il est monté dans un camion italien. C'est quand même dommage. Donc il s'est retrouvé là. Et là, le personnage lui dit, bah, si vous voulez, moi j'ai mon entrepôt à côté, vous pouvez venir boire un petit café avec moi, voilà, et tout ça. Et ils arrivent devant l'entrepôt, Monster Records. Alors là, le professeur, boum, il est tombé raide. Voilà, il a fait ça syncope. Donc, le type l'a rentré à l'intérieur. Et voilà, il se trouve que bah, Monster Records, pour le professeur, c'est quand même, voilà, c'est biblique. On reste un peu dans le domaine. Et donc, il s'est réveillé là. Un mec très sympathique, il lui a offert le café dans un entrepôt rempli de disques. Donc, vous imaginez bien que ça a fait passer la pilule, en fait, de son erreur. Alors, si je parle autant, c'est pas pour gagner du temps. C'est simplement que c'est une vraie histoire, hein, le professeur. Mais ça lui est arrivé. C'est ça qui est dingue, quoi. Eh oui, dans le monde de la machination, de toute façon, tout est possible. Donc, bref, il a fait ses emplettes. Voilà, il a pu se restaurer, discuter, machin, il était content. Et puis après, en fait, le professeur lui a dit, bah, si vous voulez, moi, je connais quelques bonnes sœurs là qui partent à Rome, justement, et qui vont pouvoir, si vous voulez, peut-être vous emmener dans leur voiture. Et donc, le professeur est rentré en France. Alors, en fait, il a décidé de ne plus aller à Rome après, etc. Parce que, en fait, le moment avec les bonnes sœurs a été un peu trop chaud pour lui. Il n'est pas habitué à être entouré de femmes comme ça, un peu... Il m'a dit, ce qui me gênait, c'était qu'elle mangeait des glaces tout le temps. Bon, c'est vrai que ça peut faire étrange quand même, des bonnes sœurs qui mangent des glaces. Mais bon, là, elles étaient quatre autour, ça l'a un peu perturbé. Et puis, elle lui parlait de péché, qu'il fallait aussi savoir des fois pécher un peu pour justement retrouver la voie du Seigneur. Alors tout ça, bon, ça lui a parlé, mais bon, il s'est dit, non, quatre, c'est pas possible. Donc, il s'est fait déposer pas très loin, puis après, voilà, il a réussi à rentrer. Donc, tout ça pour vous dire que le professeur nous a ramené quelques spécialités espagnoles et autres. Donc c'est pas spécialement espagnol, mais il y aura quand même du guacamole. Voilà, en attendant, on va faire comme le professeur, on va monter dans un camion et on verra bien. Thank you. Le professeur me le dit souvent, ça. C'est la première fois que je vois ça, en fait. Le compteur du morceau est sur zéro et ça a continué. C'est incroyable. Bon, bref, c'est pas grave. Vous vous en foutez, au final. Hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Non, en fait, voilà, c'est juste que le professeur, il me dit très, très souvent ça. Il me dit, tu sais, tu serais beaucoup plus beau si tu fermais ta gueule. Thank you. estar siempre a tu lado para decirte que te amaba y te desprecio. El tiempo y el amor me han negado. Yo esperaba que me satisfagas. Ahora ya sin ti yo no sé qué haré. Basta que te llame, vas y vienes. Me te beso y me besas. Estás siempre aquí cuando bailas el go-go. Basta que te llame, vas y vienes. Me te beso y me besas. Estás siempre aquí cuando bailas el go-go. Pones a bailar, yo siento mi cuerpo temblar, mi sangre entera parece arder, mi corazón parece volar. Ahora ya sin ti, yo no sé qué haré. Basta que te llame, vas y vienes, que te beso y me besas. Estás siempre aquí cuando bailas el go-go. Yeah! ta ta ta ay ay ay ay echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. No gusta volar estaciones de tren, demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren, demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Get him, baby. All right. Well, aquí les tenemos otro ritmo. El baile es de mucho punch. A una chica que le dicen la pluma, en una fiesta lo enseñó. Su nombre es el Bugalú y ya verán. Solo eso le gusta bailar. Y en cuanto empieza a sonar este ritmo, la pluma todo se empieza a animar. A bailar, a bailar. Todos tienen que moverse ya. Alguien tengo que morder, hay que morder. avec le professeur, tous les deux, nous sommes des bêtes. Mais franchement, des vraies bêtes. Sauf que nous, on préfère le végétal. Guacamole, mole, mole, el guacamole, mole, mole, el guacamole, mole, mole, el guacamole, mole, mole, yeah, oh yeah, guacamole, hey, hey, prueba y verás, tú querrás más, más guacamole, mole, mole. Guacamole, mole, mole, más guacamole, mole, mole, el guacamole, mole. Guacamole, mole, mole, el guacamole, mole, mole, el guacamole, mole, mole, el guacamole, mole, mole, yeah. La otra era mucho muy bien formadita y la otra era ¿quién era? La petisa, la petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. Alguien dijo que lo bueno se da en poco. Para pruebas son los perfumes franceses. Napoleón dicen que era un hombre bajo. Por eso yo quiero. ¿Quién? A la petisa, la petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. Caminando por la calle vi a tres chicas. Una era delgadita y muy coqueta. La otra era mucho muy bien formadita. Y la otra era ¿quién era? La petisa, la petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. La petisa, la petisa, ay qué rica, rica está. Fabuleux la petisa. Eh oui. Oh bah là, tellement fabuleux que j'en ai oublié qu'il y avait quelque chose derrière. C'est dingue ça. Ah là là là, aucun respect pour, pour les auditeurs, pour l'auditoire. There's so many things there. Après ce morceau fabuleux, et oui, ça c'est un don du ciel, et oui, ça arrive parfois que les dons du ciel soient vraiment des dons du ciel. Bref, donc après ce moment, je crois que je peux rien faire de mieux pour ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause méditative, comme ça je vous rends à votre vie réelle, je dirais avec le moins de, comment dire, le moins de dommages, voilà. Ça va vous remettre, vous allez voir, ça va vous remettre. Donc, laissez-vous porter. Donc, allongez-vous si vous pouvez. Sinon, accrochez-vous si vous voulez rester debout quand même, parce que vous peut-être que vous allez tomber par terre. Enfin, bref, allez, j'arrête de parler. Et voilà, on va finir dans le calme. Le professeur est en train de m'expliquer, mais ouais, ton truc, t'es complètement cinglé, ça les calme pas, etc., etc., machin. Ah bah tiens, il parle derrière, ouais, je vais quand même vous laisser un petit peu de passage de parole, bah, il s'y tue. C'est intimide en fait quand même. Hein. Donc bref, je vais en profiter là tant qu'il est temps pour vous faire une petite liste pendant que derrière l'autre il est mort sur l'orgue, il est tombé raide mort. C'est dingue la musique, il se passe des trucs, c'est fou. Donc Deviant, The Deviants que vous entendez derrière avec Metamorphosis Explosion. Avant ça il y a eu The Tribe, Fabulous Tribe ou The Tribe à la française avec 24 Hours Every Day, mec qui va être avec sa meuf tout le temps, casse-couille. Angelica Maria Brebache de Amor. Là, elle cherche à avoir le mec 24 heures avec elle, mais ça marche pas trop. The Vagrant Respect, bon, ça pourrait être mieux. Dino La Petissa, fabuleux. Acapulco Gonzalez, El Guacamole Mole, alors ça, une tuerie. The Raindrop Drops, Soy un Animal, excellent. Los Puntos Suspensivos, j'ai fait une erreur. El Baile de la Pluma, pas mal aussi. Los Psychos Demolition, voilà, elle traîne, etc. Los Versatiles, Hola Te Quiero, fabuleuse reprise des Doors en plus sec. Dele Alamos con los Kings de El Ritmo del Gogo. Los Modulo 5, Inagada Davida, un morceau bien hippie, mais au moins ils s'en sont à peu près bien sortis. Las Furias, El Chico del Tram. Voilà, c'était un peu longué pour le coup. Et puis avant, une introduction qui était en fait le professeur. En s'endormant, en fait, il a appuyé sur son téléphone et il a enregistré en fait tout le voyage dans le train, etc. Jusqu'au après quand il était avec les bonnes sœurs. Oui, parce qu'il a même pas fait gaffe son téléphone, il est resté allumé. Voilà, c'était donc voilà l'introduction. Donc, bah, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Et ben bah, oui, sur lors de la prochaine émission, la machine à son. Normalement, il devrait y en avoir une. Allez, allez vous coucher. I hear a very gentle sound.